Chapitre 6e. Madame Denis avait l'habitude de raconter à son mari tout ce qu'elle faisait et aussi tout ce qu'elle apprenait d'intéressant. C'est là une méthode commode pour ceux qui ont quelque chose à cacher. Car elle supprime les interrogations précises et elle permet en même temps d'arranger les faits sous la forme qu'on veut qu'ils prennent. Mieux que les meilleurs écrivains, les femmes savent quel est le pouvoir d'un mot mis en bonne place et dit à propos. Conformément à cette habitude, elle raconta son mari, lorsque celui-ci revint à Châteaupignon le mardi soir, l'entretien qu'elle avait eu avec Marthe. Elle fit d'ailleurs ce récit avec une véracité parfaite, en lui donnant sa vraie physionomie. « Cette répulsion est inexplicable, » dit M. Denis. « Qu'en pensez-vous ? » ? « Je ne sais pas. » »« Vous qui êtes femme, et qui avez une finesse qui me manque, ne pouvez-vous pas deviner quelque chose ?»« J'ai cru un moment que Marthe pouvait aimer quelqu'un. »« Ma fille ?»« Mon ami, votre fille, si pure qu'elle soit, a un cœur, ne l'oubliez pas. » Si ma fille avait aimé quelqu'un, elle serait revenue à moi et me l'aurait dit franchement, car son choix, j'en suis certain, n'eût pu être que digne d'elle. Marthe n'est pas romanesque et elle n'a pas été ses prendants d'amour pour le premier venu. Je ne pensais pas au premier venu. Et à qui pensiez-vous donc ? À personne précisément, je cherchais, car enfin, lorsqu'on est en face d'une situation inexplicable, on frappe à toutes les portes. D'ailleurs, vous-même m'aviez donné l'exemple. Ma chère amie, moi, je n'ai jamais soupçonné Marthe. « Vous m'avez cependant parlé de Monsieur de Mériol. » M. Denis se mit à rire. « Je vous ai dit que Mériol pouvait aimer Marthe, mais je ne vous ai pas dit que Marthe pouvait aimer Mériol. Il y a là une distinction capitale. Que Mériol ait été séduit par Marthe, par sa beauté, son esprit, son charme, sa fortune même, cela se comprend et me paraît tout naturel. Mais du diable si je vois en Mériol quelque chose qui puisse séduire une femme. Entre nous, c'est un sot. » Madame Denis fit un mouvement qui fut remarqué de son mari. « Je vous demande pardon, dit-il, de parler ainsi de quelqu'un qui est de vos amis. Sans doute, Mériol est un charmant garçon, il a toutes sortes de qualités agréables dans le monde, il se met bien, il sait offrir son bras. Mais ce n'est pas un homme qu'une femme puisse aimer. J'estime trop ma fille pour croire qu'elle a pu avoir l'idée de faire de Mériol un mari. » « On aime souvent sans penser au but où l'amour peut vous conduire. » « Ma fille n'aime pas Mériol, je l'affirme, je serais honteux si cela était. » En l'interrogeant là-dessus, je lui ai parlé de plusieurs personnes, mais je ne lui ai nommé ni M. de Mériol, ni M. R.M. « Et vous avez bien fait, car ils sont aussi impossibles l'un que l'autre. Si Philippe R.M. a des qualités sérieuses que M. de Mériol n'a pas, il est sans fortune, sans position. Et Marthe sait parfaitement que je ne la donnerai pas à un homme qui n'est rien. Ma position m'impose des devoirs qu'elle connaît comme moi. » Aussi, je ne crois pas qu'il faille chercher la répugnance qu'elle montre pour M. de Saint-Austreberthe, dans un amour qui garderait son cœur. Non, il y a là quelque chose d'inexplicable, au moins pour le moment, et que nous découvrirons plus tard. C'est pourquoi je suis d'avis que nous ne devons pas faire trop attention à son caprice. Il me semble qu'elle agit un peu comme au temps où elle était petite fille, et où elle ne voulait pas manger quelque chose. Quand on lui faisait violence, elle finissait par avouer qu'elle aimait ce dont elle n'avait pas voulu, tout d'abord. Et pourquoi n'en avait-elle pas voulu ? Simplement parce qu'elle ne savait pas ce que c'était. Quand elle connaîtra M. de Saint-Austreberthe, elle l'aimera. Peut-être, mais pour le moment, je me trouve, quant à moi, dans une situation assez difficile. J'ai promis à Marthe de parler à M. de Saint-Austreberthe, et je ne sais trop que lui dire pour n'être pas en opposition avec vos idées. Je ne vois là rien de bien embarrassant. Et je trouve même qu'il est bon que M. de Saint-Austreberthe sache qu'il n'a pas eu qu'à paraître pour vaincre. De notre part, c'est de la franchise et de la loyauté. S'il n'aime pas Marthe, il se retirera. Si au contraire il l'aime, il persistera. C'est à lui de se faire aimer. Je vous prie donc d'avoir avec lui une explication à ce sujet. Vous en tirerez beaucoup mieux que moi. J'ai la main trop lourde. Comme le dimanche précédent, Saint-Austreberthe arriva pour déjeuner. L'absence de M. de Mériol et de Philippe eut pu donner à cette visite un caractère d'intimité que n'avait point eu la dernière. Mais Marthe montra tant de froideur et même de roideur que Saint-Austreberthe, malgré son assurance habituelle, se trouva plus d'une fois démonté. Ce fut avec un soulagement réel que tout le monde se leva de table, le déjeuner fini. Alors M. Denis attrapa Marthe près de lui et voulut lui faire des observations sur sa façon d'être avec Saint-Austreberthe. Mais elle, qui d'ordinaire écoutait respectueusement son père, quoi qu'il dît ou demandât, se révolta presque. « Monsieur de Saint-Austreberthe est ici pour me plaire, » dit-elle. « Il ne me plaît point, je le lui montre. »« Encore faut-il le faire avec convenance. En quoi ai-je manqué aux convenances ? » M. Monsieur Denis ne supportait pas la discussion dans la famille. Exaspéré par la résistance qu'il rencontrait pour la première fois chez sa fille, il s'en alla se promener dans son jardin de peur de se laisser entraîner par la colère. Pendant ce temps, Madame Denis et Saint-Austreberte étaient passés dans le petit salon, celui-là même où avait eu lieu leur premier entretien. « Puisque vous m'avez demandé, dit-elle, d'être votre intermédiaire auprès de mon mari et de ma belle-fille, je vous dois compte de ce que j'ai pu faire. « Permettez-moi de vous interrompre, dit-il, et de vous prier de ne pas aller plus loin avant que je puisse vous remercier de ce que vous avez bien voulu faire jusqu'à présent. Ce n'est pas l'ingratitude qui m'a fermé la bouche, soyez-en persuadé. Mais comme chaque jour, j'aurais dû vous remercier, j'ai attendu une circonstance favorable pour m'en acquitter convenablement. Elle m'est offerte, j'en profite. » Où voulait-il en venir? Madame Denis se le demanda avec une certaine inquiétude. « Je sais, dit-il, que c'est à votre intervention que je dois l'accueil qui m'a été fait par M. Denis, et je n'oublierai jamais que mon mariage avec Mademoiselle Marthe aura été votre ouvrage. » Mademoiselle Denis leva la main pour l'interrompre et dire que cette intervention n'avait point été ce qu'il supposait. Mais elle s'arrêta dans ce premier mouvement de franchise, et après une seconde de réflexion, elle le laissa continuer. Pour justifier à ses propres yeux cette réticence, elle se dit qu'il serait toujours temps de rectifier plus tard cette erreur. Elle ne présentait ni inconvénient ni danger. Elle ne faisait tort à personne, tandis que la vérité pouvait être mauvaise. Sans doute, elle n'eut rien fait pour persuader Saint-Austreberte qu'elle avait agi activement auprès de M. Denis de manière à le rendre favorable à ce mariage. Mais elle ne voyait pas qu'il y eut urgence à le détromper. « Vous ne sauriez croire, continua Saint-Austreberte, combien je m'applaudis maintenant d'avoir employé auprès de vous les bons offices de M. de Mériol. Pendant quelques jours, j'ai eu des doutes sur la légitimité de ce moyen, mais je vois que nous nous sommes compris. » En ce moment encore, Madame Denis voulut parler, et cependant elle ne le fit pas. Les mêmes raisons qui lui avaient fermé les lèvres quelques secondes auparavant les lui fermèrent encore. Plus tard, il serait temps de s'expliquer. Pour l'heure présente, il suffisait de tenir l'engagement qu'elle avait pris avec Marthe, et cela était assez délicat pour qu'elle ne le compliquât point. Mais au premier mot, Saint-Austreberte lui vint en aide. « Oui, je sais, dit-il, Mademoiselle Marthe me marque une certaine froideur. Mais je ne vous fais point responsable de cet accueil et je ne l'en accuse pas elle-même. C'est ma faute. Mademoiselle Marthe, qui doit savoir le chemin que j'ai suivi pour obtenir sa main, trouve peut-être mauvaise ma façon de procéder. Elle lui voulut sans doute que je m'adressais à elle tout d'abord. Et comme c'est par vous que j'ai commencé, elle a dû être blessée de ce manquement d'égard. Elle m'accuse sans doute d'avoir considéré mon mariage avec elle comme une affaire, et d'avoir cherché à assurer d'abord l'affaire sans me préoccuper de gagner son cœur. C'est là un grief que je trouve chez elle bien légitime, mais il ne m'inquiète point et j'espère le lui faire oublier. Peut-être cela ne sera-t-il pas aussi facile que vous croyez. Au moins je dois essayer. Mademoiselle Marthe est une jeune fille, et si j'ose m'exprimer ainsi en parlant d'elle, elle a tous les préjugés des jeunes filles. Elle croit que la vie est faite de poésie, de fiction, de romans, et non de réalité. Elle croit que tous ces esprits élevés qui parlent de pureté, d'abnégation et de sentiments à outrance sont de bonne foi. Elle ne sait pas que ce sont des farceurs qui se rattrapent dans le particulier de ce qu'ils sont obligés de dire en public. Je crois que vous vous trompez sur ce point. Marthe n'est pas la jeune fille romanesque que vous vous imaginez. Tendre, oui, sentimentale, oui, mais c'est tout. Et encore, ce besoin de sentiment est-il chez elle renfermé dans des limites assez étroites? L'exaltation n'est point son fait, c'est une bourgeoise, fille de bourgeois. Enfin, je dois m'efforcer de faire revenir, Mademoiselle Marthe, les mauvaises impressions que mes premières démarches ont produites. Avec votre aide, j'espère y parvenir. Si à nous trois, car je veux toujours compter notre ami Mériol parmi mes alliés, si à nous trois nous n'arrivons pas à la convaincre que ce n'est point l'affaire qui a inspiré ma demande, mais le sentiment, ce serait véritablement joué de malheur, et il y aurait là pour moi un mystère que je tiendrais à percer. M. Denis, en rentrant, mit fin à cet entretien. Pendant tout le reste de la journée, Marthe s'arrangea pour n'être pas seule une minute avec Saint-Austreberte. Cependant, comme de son côté Saint-Austreberte cherchait à obtenir un résultat opposé, il arriva un moment où il put se trouver durant quelques instants avec elle, loin de M. Denis qui les accompagnait. « Mademoiselle, dit-il, j'ai eu un entretien avec madame votre belle-mère qui, en quelques mots, m'a expliqué la froideur de votre accueil. Ce qu'elle m'a dit m'a désolé, mais elle ne m'a pas découragé. Je vous aime et ne renoncerai à vous qu'avec la vie. » Marthe ne répondit pas, et sans baisser les yeux, elle le regarda hautaine et dédaigneuse. « Je dois vous écouter, » dit-elle enfin, « je vous écoute. Je n'ai qu'un mot à dire, et ce mot est une prière. Ne me repoussez pas, sans avoir compris les raisons qui ont inspiré mon amour. Je vous aime, parce que vous êtes à mes yeux un modèle d'honnêteté et de droiture. Je n'ai pas eu de mère. J'ai vécu auprès d'un père qui n'a été pour moi qu'un compagnon de plaisir, et qui ne m'a point donné d'autres leçons que celles qui dirigeaient sa vie. Malgré cette désolation de ma jeunesse, j'aime ce qui est beau et ce qui est bon. Je ne veux pas que ma vieillesse soit celle de mon père, et je veux être estimé par mes enfants. Pour que j'aie cette vie honorable et heureuse, il faut que je sois aidé et accompagné par une femme. Cette femme, je l'ai trouvée en vous, lorsque le hasard, ou plus justement la Providence, m'a amené à Bordeaux. Dans ces conditions, vous devez comprendre que je ne peux pas renoncer à vous, et je n'y renoncerai pas. Votre père m'a accueilli, votre belle-mère m'a accueilli, votre famille est déjà la mienne. J'espère que vous aussi, vous m'accueillerez.